Dialogue. Voilà, mademoiselle, un cahier et un stylo. Merci, madame. Salut, Lucille. Ah, bonjour, Léa. Ça va ? Ça va, et toi ? Je te présente Samuel. Salut. Bonjour, Lucille. Ah non, je m'appelle Lucille, avec deux L. Oh, pardon. Pardon ? Comment tu t'appelles ? Lucille. Ah, moi aussi. Vous vous appelez Lucille ? C'est amusant.